Je roulerai jusqu'au bout de la route si la route n'a pas de bout. Je roulerai loin devant moi. Je roulerai sur le chemin défoncé, dans les forêts, aux arbres ténébreux, dans les espaces aux aborigènes belliqueux. Je roulerai sur ma vie jusqu'à l'écraser tout à fait. Je la chiffonnerai jusqu'à la méconnaître. Je roulerai sur elle autant de fois qu'il le faudra, car elle ne vaudra plus rien. Elle me pèse, mon ventre est gonflé depuis. Je veux vomir mes entrailles. Je veux vomir mes entrailles pour soulager mon corps de son poids. Je veux devenir légère comme une âme et te fuir par les escales du ciel. Que tu ne deviennes plus qu'un point sur la terre avant de disparaître comme je disparais loin de toi. Je roulerai sur les routes accidentées, ballottées comme une branche qu'on remue qui ne veut pas perdre son fruit. Le pare-brise décomposera la lumière en une multitude de couleurs fades. Je ne veux pas revenir sous elles coutumières. Bordées de diables silencieux, noircis par leurs propres flammes. Derrière l'enfer court sur mes traces. Je ne veux plus m'arrêter, revenir sur mes pas. Je baisse le rétroviseur avant que mes bras ne deviennent trop lourds. Je ferai n'importe quoi pour que ça aille mieux, que ça n'aille plus du tout. Que je perde toutes mes pensées, que je me déverse dans les eaux profondes du royaume d'Hadès par la liquéfaction de mon cœur en pleurs. Que tu ne deviennes plus qu'un vague souvenir ondulant à la surface de l'océan alors que je sombre. Et pourtant je reviendrai sur mes pas comme une mère qui ne se résigne pas à laisser ses putains. T'allais laisser où les conduire, t'allais laisser où les conduire, t'allais laisser où les conduire, t'allais laisser où les conduire, t'allais laisser où les conduire, t'allais laisser où les conduire, t'allais laisser où les conduire, t'allais laisser où les conduire, t'allais laisser où les conduire, t'allais laisser où les conduire, t'allais laisser où les conduire au bout des routes, t'allais laisser où les conduire, t'allais laisser où les conduire, t'allais laisser où les conduire, t'allais laisser où les conduire au bout des routes.